Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Rudy Doucan. Salut Sofiane, ça va, tu vas bien? Ça va super, merci, et toi? Bah écoute, ça fait plaisir d'être là, on est là avec toi, ça me fait plaisir. Ah ben le plaisir est partagé, merci d'avoir accepté l'invitation, c'est super cool. Bah c'est avec plaisir, je me rappelle la dernière scène qu'on avait partagée ensemble, c'était à Bourg-en-Bresse. Exact. Et c'était déjà une petite galère. Bah c'était un moment de... Alors, on va donner un peu le contexte. En fait, c'était une espèce de tournoi interville, quoi, de football. C'était sur le thème du football. On faisait du stand-up avec en fait, c'était organisé par le mec qui jouait l'arbitre. C'est mon pote Dominique Panchou qui était dans le podcast aussi. Voilà, lui, il a été vraiment adorable, tu vois, genre il a vraiment tout fait pour que ça se passe bien. Et ouais, et malheureusement, ouais, t'as toujours des petits couacs et tout, quoi, tu vois. Parce qu'on avait rigolé. C'est au fur et à mesure de la journée qui avançait, le public qui il se faisait de plus en plus vieux, tu vois. Je me rappelle la dernière scène de la journée, frère. C'était interdit au moins de 70 ans. C'était incroyable. Ah, mais tu vois, c'est toujours dur, en fait, parce que tu sais jamais, quelque part, qui va venir pour le spectacle et tout. Et il faut dire ce qui est, le public un peu plus âgé, alors c'est dur, hein, évidemment, quand tu joues que devant du public âgé, c'est très compliqué, mais il faut dire ce qui est, le public âgé, c'est le public qui sort le plus, j'ai l'impression. Exactement, et oui, bien sûr, c'est le public qui consomme le plus, en vrai. On se plaint et tout, mais c'est vrai que quand c'est... En fait, il ne faut pas avoir un mono-public. Il faut avoir que des personnes âgées ou que des jeunes ou que des vieux. Il faut que ce soit bien tout mélangé pour qu'on kiffe. Mais quand il y a peu de monde et que des vieux, c'est dur. Faut dire la vérité. Ça dépend en fait de quoi tu parles dans ton sketch. Tu vois, si tu as des références que eux ne connaissent pas, c'est très, très compliqué. Mais si tu fais un sketch, on va dire, un peu passe-partout, tu vois, des sketchs où vraiment tout le monde peut se reconnaître et tout, franchement, là, c'est tout bénef, tu vois. Mais je me souviens que j'avais mon pote qui était avec moi, Briac. Lui, c'est un humour très geek, tu vois, donc c'était un peu jeune. Et lui, je me rappelle que d'habitude, il cartonne. Et ce jour-là, il avait grave galéré, tu vois. C'est vrai que ça dépend de ce que tu racontes, en vrai, t'as raison. Bah, oui, voilà. Après, bien sûr, tu peux être un humoriste excellent avec une salle très cosmopolite, tu vois, genre autant au niveau des âges très mélangés, tu vois, très hétérogènes, autant au niveau des âges que des origines, que tout ça, tu vois, que des genres et tout. Mais tu peux avoir, malheureusement, un jour, tu peux tomber dans une salle où t'as que des gens, t'as que des vieux ou t'as que des jeunes aussi. Attention, l'inverse est valable aussi, tu vois. Ah oui, exactement. Est-ce que t'as déjà joué devant des collégiens? Oui, c'est terrible. Je sais pas si c'est pas pire. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils ont un gros problème d'attention. Ils décrochent en deux-deux, ils parlent entre eux, ils commentent, c'est terrible. Je te trouve un peu dur. Je suis sûr qu'ils sont capables de t'écouter pendant au moins 8 secondes et demie. C'est trop, trop difficile. Ouais, c'est vrai que sur le moment, c'est compliqué, on galère un peu. Mais juste, toi, de faire ce qu'on fait là, d'en parler après, c'est ça qui est marrant. C'est ça qui est génial d'avoir ce souvenir à chaque fois de toutes les scènes qu'on fait. Ah bah c'est sûr, on n'oublie pas, hein, tu vois. Et des fois, ce qui est bien, moi je compare ça un peu au Vietnam, tu vois. C'est genre quand tu vas avec un pote et que tu joues, tu sais, genre, mettons, vous êtes une équipe de 4-5 humoristes, vous partez sur une scène, ça galère vraiment, ça bite sa mère à tous les passages, tu vois. À la fin, vous allez vous regarder, tu sais, vous allez avoir envie de mourir, ça c'est clair. Mais quand vous vous reverrez, tu vois, après cette scène-là, vous aurez toujours un petit regard de ouais, on a servi dans la même compagnie, toi et moi, et de ouf, et on s'en est sorti. Ça tisse des liens de ouf, c'est vrai. Grave, tu sais, vous en rigolez, et tu sais, genre, ça devient limite un nom de code. Mettons, bah, par exemple, je sais pas, t'as bidé, vous êtes parti jouer à, je sais pas moi, à Mâcon, et t'as bidé. Bah, du coup, dès que vous vous voyez la prochaine fois, c'est genre, ouais, tu sais quoi, j'ai joué samedi, bon, c'était pas Mâcon, mais presque, tu vois, c'est ce que ça, je veux dire, c'est exactement ça. C'est vrai, c'est ça, c'est ouf. Ça devient une rêve, quoi, tu vois. Et toi, du coup, t'as eu des anecdotes vraiment marquantes pendant ta carrière, tout ça, t'as eu quelque chose... Ouais, j'en ai eu quelques-unes qui étaient violentes. Hein. Mais je crois que celle qui m'a le plus fait, qui a été le plus... qui m'a le plus marqué, qui m'a le fait le plus rire en même temps, c'était pour un festival... En fait, tu vois, j'avais joué sur mon spectacle au Festival d'Avignon. Mm-hmm. Et tu sais comment ça se passe, t'as les pros qui viennent te voir et tout. Il y avait il y a un mec qui vient... Un jeune, tu vois, il doit avoir 25-30 ans. Il vient voir mon spectacle, il s'éclate, il rigole. Il vient me voir, il me dit « Ouais, j'aimerais trop programmer mon festival et tout. » Je dis « Où c'est ?» Il me dit « Sur Marseille. » Je dis « Trop cool, moi je suis sur Marseille, j'ai jamais entendu parler de ton festival. » Il me dit « Non, mais c'est un petit peu un festival privé, mais on a quand même pas mal de monde à chaque fois. On a une centaine de personnes sur la représentation. On aimerait te faire venir. » Et j'arrive le jour de... Il me dit ça, tu vois. Il me dit juste ça. Il m'appelle, on met en place les conditions, nanana, et j'arrive le jour J, donc c'était les, quelques mois plus tard, j'arrive dans, au lieu, dans le lieu, et en fait, ce lieu, c'était une école privée catholique. J'ai dit, mais frère, tu as vu mon spectacle, c'est pas non plus, je suis pas du Jean-Marie Bigard, mais on parle un peu cru quand même, tu vois, tu connais. Il me dit, non mais Rudy, t'inquiète, j'en ai parlé avec les sœurs, avec la mère supérieure. ne censure rien, fais ton spectacle tel quel. Je me dis, t'es sûr, c'est chaud et tout. Il dit, non, t'inquiète, je fais ça, va. Et je dis, joue où? Il me dit, tu joues là. Et c'était devant la porte de l'église. La scène, c'était. T'as vu comment c'est fait les églises? Tu as vu, ouais, t'as des escaliers qui montent sur la grande porte, c'est toujours une très belle porte. Et c'était ça, en fait, la scène, c'était ça. Et t'avais tout le public devant l'église comme ça. Déjà chaud. En plus, c'était un vendredi soir, Shabbat. Je dis, mon père, il va me trucider, frère. Un vendredi soir à Shabbat, j'ai joué dans une église. On dirait le début d'une blague. Mais de ouf. Je commence à faire mon spectacle et tout. Et en fait, mon spectacle fait 1h15. L'heure du spectacle, il n'y a aucune, entre guillemets, c'est tout public, si tu veux. Mais le dernier quart d'heure, c'est un peu plus cru, tu vois. Je ne dis pas non plus des gros mots de ouf, mais j'explique des situations un peu intimes et tout ça, mais... Ça non plus, ça va pas choquer quelqu'un de normal, mais quelqu'un de religieux, etc., de très pieux, je peux comprendre, voilà, que ça peut le choquer, tu vois. Ouais, c'est normal. Que ça se passe super bien. Il y avait du monde et c'était très familial. Il y avait toutes les sœurs. Il y avait des sœurs. Il y avait que des familles catholiques avec plein d'enfants, machin, etc. Mais des enfants, pas des jeunes jeunes, mais le minimum c'était 10 ans, tu vois. D'accord. Donc qui comprennent quand même. Et ce qui m'a marqué, c'est devant moi, une mère de famille, avec, elle avait 6 enfants, de 10 à 18 ans. Ouais. La grande blonde, yeux bleus, très belle femme, mais très, tu vois, très, très, très stricte, tu vois. Ouais. Le spectacle, ça, je sais pas pourquoi, je la regarde à elle, parce que je sais pas, je l'ai senti, senti que c'était elle le juge général de la soirée, tu vois. Ton baromètre pour le spectacle, quoi. Exactement, ça se passe super bien et tout, et j'arrive vers la fin du spectacle, et sur la fin du spectacle, il y a un moment donné où je dis le mot. Mais très clairement, là, je sais qu'il y a tout le temps un gros rire. Et dès que je le dis, là, dès que je fais ça, il y a un blanc de ouf. Et elle regarde ses enfants comme ça, genre, outré fait. Les enfants, mais fort, hein. Les enfants, levez-vous, on s'en va. Et t'as tout ce groupe qui s'est levé. Et qui est parti du spectacle. Donc à la fin, tu sors un gros mot et après, ça y est, ça... Oh. Et là, c'est parti un peu en sucette. Et je dis, comment je vais finir ce sketch? Je peux pas le terminer. Je regarde le mec, là, le patron. Il était mort de rire. Et il me fait en mode « Ah, vas-y, on s'en fout, continue. » Je dis « Mais non, il est fou. » Et du coup, je dis « Ah, c'est pas grave, allez, on s'en fout. Roue libre, on continue. » Et là, je continue. Et au fur et à mesure que je continuais, t'as des gens qui partaient. Tu vois, mais c'était les 10 dernières minutes. Et à la fin, il restait que les élèves donc, qui étaient morts de rire. Ils avaient entre 15 et 20 ans. Toutes les familles, elles étaient parties. Et restaient les bonnes sœurs. Et là, qui termine. Spectacle, il termine. Il vient me voir, le mec, il me dit, je sais que lundi, je vais avoir une lettre de la mère supérieure et tout ça. Je dis, mais c'est chaud et tout ça. Et je me suis dit, les bonnes sœurs, elles vont m'éclater, elles vont me fracasser. Elles viennent me voir, toutes les bonnes sœurs. Oh là là, on s'est régalé, on s'est éclaté. Ah, c'est mignon, elles étaient. Mais de ouf. Elles étaient expertes, en fait, quoi. Elles voulaient rigoler. C'est ça. Elles étaient. En fait, ceux qui étaient choqués, ça a été un peu les mères de famille. Mais tout le reste, en vrai, ça allait. Et donc, du coup, ça m'avait fait pleurer de rire cette soirée. La meuf qui a dit les enfants on s'en va, ils sont levés en groupe, ils sont partis, j'ai halluciné. Ah, c'était trop marrant. C'était un moment de solitude incroyable. Mais c'est quand même ouf, quoi. Mais c'est incroyable. Mais là où je suis choqué, c'est que le mec, pourtant, alors est-ce que tu penses qu'il t'avait menti? Parce que j'allais dire, le mec, il en a parlé à la mère supérieure, elle lui a dit allez-y, pas de censure. Non, mais le mec, il était super sincère. Hein. Non, lui, il s'est régalé. Les élèves, effectivement, ils se sont régalés. Après, tu vois, quand on parlait des gens qui étaient choqués, il a dit, ah, c'est bon, s'ils sont choqués pour ça, hein. ça le gonflait un peu plus qu'autre chose, en vrai. Les élèves, les profs et les bonnes sœurs, elles ont kiffé. Tout le monde a kiffé, sauf où il y avait un peu... Sauf les gens très puritains, quoi. Ouais, très puritains, mais c'était affreux, en vrai, à vivre. Dans la salle, il y avait ma femme et deux amis à moi. Dès qu'on arrivait à ce moment-là, je les voyais, elles étaient en train de se décomposer, tu vois. C'était trop marrant. Alors, c'est trop marrant. Juste une chose. Pendant que tu es en train de jouer, parce que tu sais bien que quand on joue notre spectacle, on est tellement sur des rails que des fois, on est capable de sortir de notre corps, tu vois, et de réfléchir, de dire est-ce que ça, je la fais, est-ce que je la fais pas, exactement. Donc, est-ce que quand tu es arrivé donc, à la fin de cette fameuse heure, qui s'est très bien passé et qui n'était pas vulgaire du tout, qui n'était pas cru. Est-ce que tu n'as pas pensé, peut-être, allez, le dernier quart d'heure, je le supprime, comme ça, au moins, je pars sur une victoire. Oui, j'y ai pensé, de ouf, mais plus j'approchais du spectacle, de la fin du spectacle, je regardais de temps en temps, je jetais un œil au programmateur, et il était en mode, mais vas-y, allez, vas-y, continue, t'as raison, vas-y, t'en fous, vas-y, n'hésite pas. Mais il est fou. J'ai l'impression qu'il a eu une revanche à prendre, tu vois, avec certaines personnes avec qui il travaillait. J'étais son fait, je sais pas. Oh, c'était ouf ce soir-là. Ce soir-là, c'était vraiment un truc de fou. Du coup, on te retrouve dans ta tournée des églises. Tu fais toutes les églises de France, ça peut être pas mal. Exactement. J'imagine, retrouve-moi la cathédrale Saint-Michel. Alors, juste une question. Est-ce que la femme avec ses 6 enfants, ils voyagent dans le même véhicule que toi ou vous y allez séparément? On se suit en van. On a chacun notre van. Dommage qu'elle n'ait pas apprécié les tiennes, en tout cas. C'est vrai, exactement. Exactement, mais c'est trop, c'était trop drôle. Alors, tu sentais que les enfants, ils n'avaient pas envie de partir, en plus. Ça, tu m'as fait de la peine. Après, c'était un pari, on va dire, enfin risqué, non, parce que je trouve que tu as été quand même très pro et très, comment dire, très conciliant, parce que tu es arrivé et tu as dit, genre, vraiment, voilà, mon spectacle, il est quand même, voilà, c'est piquant à la fin. Quoi. Ah oui, j'ai averti, et lui le savait parce qu'il avait vu le spectacle au festival, et il ne m'avait pas du tout dit que c'était dans une église, il m'avait dit que c'était un public un petit peu machin, mais qu'il n'y avait pas de soucis, que je pouvais y aller sans aucun problème. Parce que je te dis, c'est pas non plus ultra vulgaire ce que je fais, c'est juste j'explique des situations, et vraiment, c'est le seul gros mot que j'ai dans le spectacle, c'est celui que je t'ai dit, tu vois. Ouais, et, d'accord. Voilà, donc... Non, mais c'était trop marrant. Je trouve que tu as été très, très pro, et puis que tu as essayé, genre, tu es arrivé là-bas. Tu sais, il y a beaucoup d'humoristes, je pense, qui ne se seraient pas posé la question. Moi, je suis comme toi. Hein. Moi, mon spectacle, si tu veux, il est tout public de base, tu vois, parce que j'ai vraiment, c'est la ligne que je me suis fixée dès le départ. Après, ça ne m'empêche pas, je te dis, je suis un grand fan de tous les styles d'humour et tout. Moi, franchement, Jean-Marie Bigard, tout ça, même les trucs trash et tout, ça me fait hurler de rire, tu vois, c'est pas un problème. Voilà. Mais moi, à titre personnel, tu vois, si tu veux, j'ai promis à mes parents et je me suis promis à moi-même de monter toujours de manière à ce que si mes parents sont dans la salle, tu vois, que j'ai pas à rougir de quelque chose, quoi, tu vois. Voilà. Ouais, je comprends. Donc, ce que je veux dire, c'est que j'aurais eu le même réflexe que toi, par exemple, si on m'avait dit, tu vois, moi, par exemple, j'ai un sketch, je sais pas, moi, j'ai un sketch, ben voilà, j'ai par exemple mon sketch de fin, c'est un sketch sur une sortie à la fête foraine avec mes enfants. Et ben, je veux surtout pas que les gens se sentent gênés, par exemple, je sais pas, si je joue dans un endroit, je sais pas, je vais sortir un truc qui pourrait pas coller avec ça, on va dire un endroit, tu sais, comme je sais pas, un endroit qui accueille les orphelins, tu vois, par exemple. Ouais. Je vais leur dire, ça peut être chaud, ça peut être mal, enfin pas mal pris, mais ça peut être un petit peu tendu parce que moi je parle d'une sortie, je suis le papa qui amène ses enfants. Vous pensez pas que c'est un peu délicat de jouer comme ça devant des orphelins, tu vois? Voilà, je me poserai la question. Je suis comme toi. Et donc toi, tu as été quand même très très pro et très humain de leur dire, ben voilà quoi, faites attention et tout. Et je fais toujours attention à ça, ouais. Je fais toujours attention à pas vexer les gens. C'est tellement ça, c'est tellement ce qu'il faut, parce qu'il y a des humoristes qui s'en fichent complètement. Il y en a plein qui seraient arrivés dans la situation que tu m'as racontée. Ils seraient arrivés, ils auraient dit, tu sais quoi, je m'en tamponne, c'est une église, je m'en fiche complètement. Tu peux me faire jouer n'importe où. Tu as acheté mon spectacle, tu vas l'écouter du premier mot jusqu'au salut. Tu vois, c'est ça. Et moi, c'est pas trop ça. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Moi, quand je fais un spectacle, c'est pas, j'essaye pas de réciter un truc, tu vois. J'essaye vraiment de qu'il y ait un échange, qu'on rigole, tu vois. J'avais fait monter des gens sur scène et tout, tu vois. J'ai une petite partie de, donc j'essaye vraiment de que ce soit, que tout le monde s'amuse. Si je fais un truc et que si tu veux, j'ai l'impression d'être entre quatre murs, ça sert à rien. Tu vois, moi, j'essaie vraiment de discuter avec les gens. Donc, si tu veux, c'est à chaque représentation, j'essaie de faire un truc un peu différent, même si ça reste la même trame. Donc, je suis obligé de poser la question de savoir si ça va coller ou ça va pas coller, selon où je joue. À part quand c'est dans des théâtres, c'est pas pareil, mais quand c'est dans des lieux comme ça, c'est particulier quand même. Oui, parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que dans un théâtre, les gens viennent te voir toi, tu vois. Donc, tu proposes un produit et les gens viennent te voir. Alors que là, c'est toi qui es allé chez eux, c'est pas pareil. Exactement, c'est exactement ça. C'est très, très bienveillant de ta part, en tout cas. Et franchement, moi, je suis dans le même état d'esprit. Je veux vraiment pas que les gens repartent en se disant « Ah, il ne nous a pas respecté » ou je ne sais pas quoi. Je veux qu'on partage, en fait. C'est un moment de partage. Je veux aussi que ça discute avec le public. Je ne fais plus monter les gens sur scène. Maintenant, il y a un moment où je faisais monter un mec sur scène pour qu'il lise un poème à sa femme. Tu vois, j'avais un poème écrit et tout, et il le lisait à sa femme. Et je ne le fais plus maintenant parce que ce sketch-là, c'était un sketch sur la Saint-Valentin. Il n'est plus dans le spectacle maintenant. Mais c'est pour dire, j'essaye toujours d'avoir cette bienveillance. Je sais que quand je pose des questions dans la salle, si vraiment je vois que les gens sont mal à l'aise et tout, tu vois, ils veulent pas répondre, machin, je vais pas m'acharner contre eux. Je vais dire, allez, c'est pas grave, on prend quelqu'un d'autre. Allez, hop, hop, hop, tu vois, je vais. Ouais, voilà, ça sert à rien de mettre les gens mal à l'aise. Ils sont là pour passer un bon moment. Donc, faut pas leur faire regretter. C'est ça. D'être venu. C'est ça. Non, moi en règle générale, je fais monter personne sur scène. C'est juste ce jour-là, en fait, je fais un truc que très peu de gens savent faire. C'est un tic que j'ai avec ma bouche. Et il y en avait un ce jour-là justement qui savait le faire, donc ses potes ils l'ont chauffé, tu vois. Donc je l'ai fait monter sur scène, on a essayé de faire genre une petite battle, c'était super marrant. Mais non, mais c'était franchement, ça s'était bien. En vrai, ça s'était bien passé. C'était dommage ces 10 dernières minutes, quoi, tu vois. C'est vrai, ouais, je comprends. Mais après, c'est pas grave, je pense que les gens ils ont gardé un bon souvenir. L'essentiel, tu vois, les bonnes sœurs t'ont dit que ça leur avait plu, tout ça. Et du coup, derrière, est-ce que t'as eu des nouvelles, genre est-ce que le mec s'est fait charger ou pas? Non, il m'a dit que ça. Il m'a donné des nouvelles. Et il m'a dit que finalement, non, ça s'était bien passé. Il a eu, à part cette famille-là là, qui s'était vraiment barrée, ça allait, tu vois. Il n'a pas eu de retour particulier. Mais donc, ça allait. Franchement, ça allait. Non, mais ça va. Alors, du coup, tout est bien qui finit bien, quoi. Tout était bien qui finit bien. Mais tu sais comment c'est quand tu le vis sur le moment, tu te dis où je suis, quoi, tu vois. c'est ça. On a du mal vraiment à réaliser. Et puis surtout, on vit sur le moment. Donc, toi, tu as envie de partir, sauf qu'il faut que tu restes, il faut que tu continues. C'est terrible. T'es bloqué sur scène et il faut que tu gardes le sourire en plus. Tu peux même pas faire la gueule. Tu vois. Mais c'est ça. C'est compliqué. Hein. Franchement, c'est compliqué. C'est ça. Bah, écoute, en tout cas, c'est ce qui fait la beauté de ce métier aussi, parce qu'on navigue toujours entre plusieurs eaux, tu vois, on est un peu bloqué, on ne veut pas crisper la salle, on ne veut pas non plus faire n'importe quoi, enfin, je ne sais pas, il y a toujours un entre-deux dans lequel on est obligé de naviguer, et puis quand on arrive à les embarquer avec nous, c'est tellement bon. C'est ça. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça récemment là, dans un article, je crois que c'est mon pote Ahmed Sparrow qui a dit ça dans un article, le plaisir, il est à la hauteur du risque, en fait, c'est ça. On prend autant de risques que c'est, on prend autant de plaisir que ce que c'est risqué. Donc c'est ça qui est kiffant. Ah totalement. Et donc, est-ce que tu as eu d'autres situations comme ça, un petit peu loufoques, parce que c'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on joue dans une église. J'avais joué dans un mariage une fois. J'avais un copain à moi. Il m'avait, un copain. Non, c'est devenu un copain parce que voilà, il est venu tellement me voir sur scène qu'on est devenu potes, tu vois. Ouais. Il s'est marié, il m'avait demandé de venir à son mariage pour pouvoir faire un spectacle, tu vois, mais c'est compliqué, tu sais ce que c'est les mariages. Jouer dans un mariage, c'est ultra compliqué. Et le truc, c'est qu'il me donne la date du mariage et c'était la date où ma femme devait accoucher. Il me dit, voilà, le 10 février, machin. Et je dis, écoute, c'est pas sûr, machin. Voilà, c'est quoi, on va voir si t'aimes plus le spectacle vivant que ta famille. Voilà, c'est ça. Si tu me dis pas que t'as abandonné ta femme en pleine contraction pour aller jouer, c'est que t'es pas un vrai humoriste. Je suis désolé, Rudy. Alors, bah, écoute, c'est encore pire que ça. Le mariage, c'était le samedi 10 février. Ma femme, elle accouche le vendredi 9 février. Elle accouche, machin. Et dans la journée, je lui dis, moi, je vais appeler le gars pour annuler et tout ça. Elle me dit, ah ouais. Elle me dit, mais tu... Écoute ce qu'elle me dit, ma femme. Elle me dit, mais tu étais bien payé ce soir-là? Je dis, ben ouais, comme j'étais pas sûr de le faire, je lui ai dit un gros prix pour qu'il me dise non. Mais finalement, il m'a dit oui. Et je lui dis le prix à ma femme, elle m'a dit, bon, rentre à la maison, tu mets une chemise, tu vas jouer. Et tu reviens. Eh ben, tu sais quoi, je vais te dire un truc, non seulement t'es un vrai humoriste, mais ta femme, c'est la meilleure que t'aurais pu trouver, vraiment. Là, tu sais quoi, t'as trouvé la femme de ta vie, je le sais, là je confirme. Ah, je me rappelle plus ce que je lui avais dit, je lui dis, ouais, pour 20 minutes, je prends le temps. Elle me dit, quoi? Elle va rentrer à la maison, tu mets une chemise et tu reviens dormir après ici. Ah, c'est beau, ça, c'est beau. Ah, c'était magique. Et du coup, j'étais allé, c'était même pas un spectacle que j'ai fait, j'étais chez le psy, j'ai raconté l'accouchement de ma femme. C'est comme D'accord. ça que j'ai commencé à écrire mon deuxième spectacle, ce jour-là, en fait. Ah, c'est beau d'avoir ce genre d'anecdote. Bah oui, parce que là, un mariage en plus, c'est compliqué, comme tu l'as dit. Tu vois, moi, j'ai déjà joué, j'ai déjà fait deux ou trois mariages. Et super franchement, dur. C'est très compliqué, parce que les gens, ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. T'as la moitié de la salle qui était bourrée. Il y avait les enfants qui couraient partout. Il y avait un semblant de scène. Il y avait les enfants, ils couraient à côté de moi. Tu vois, ils s'amusaient. Enfin, c'était super dur. Heureusement, j'étais dans un état un peu bizarre. Tu vois, c'est ma femme, elle venait d'accoucher, donc j'étais là, mais j'étais pas là. Donc je racontais l'accouchement de ma femme, tu vois, j'étais en train d'inventer des nouveaux sketchs. Donc j'étais dans un état d'esprit un peu particulier, donc c'est ce qui m'a permis de le faire tranquille. Mais c'est vrai que c'est dur. C'est trop, trop dur de jouer dans les mariages. Bah, du coup, je pense que le message que tu voudrais livrer aux autres humoristes, c'est n'accepter les dates de mariage que si elles coïncident avec les dates d'accouchement. Exactement, exactement. Si votre femme est enceinte, prenez le maximum de dates. Et après... Retrouvez-moi au mariage de David et Régine. Alors, j'avoue qu'en disant David et Régine, je ne sais pas où est-ce qu'ils se sont rencontrés, ces deux-là. Les prénoms ne vont pas ensemble, tu sais. Ils ont dû se rencontrer à l'église où j'ai joué le fameux soir. Ouais. On embrasse d'ailleurs Régine et ses 6 enfants. Ah oui, c'est ouf. Oh, mais c'est beau. Et puis, c'est ce qui prouve qu'en fait, la scène, tu sais, on appelle ça la scène. En vrai, il n'y a pas toujours une scène, en fait. C'est ça, exactement. Il n'y a pas toujours une scène. Ben, c'est ça. On appelle ça la scène pour donner un nom et tout, mais en vrai, c'est l'humour en général et tout. On se retrouve à jouer dans des situations complètement loufoques. Et après, voilà, je veux dire, ça fait des anecdotes de malade. Là, c'est franchement, sûr. Ça, c'était quoi si tu avais voulu inventer ces deux anecdotes-là de mariage et de machin? Tu les racontes sur scène, genre, tu les as pas vécues, tu les inventes, les gens vont pas y croire. Mais c'est là, ça. Voilà, là, tu les as vécues. Et tout ce que tu vas raconter, si jamais t'en parles sur scène, tout ce que tu vas raconter, ça sort tellement du cœur et c'est tellement sincère et empreint de vérité que les gens peuvent que dire, bah non, il peut pas avoir inventé ça. C'est ça. Tu peux pas inventer. De toute façon, les histoires les plus ouf, elles sont vraies. On peut pas inventer des histoires de ouf comme ça. Mais moi, c'est ça que je kiffe, tu vois, quand je regarde des humoristes et tout. Ce qui me fait kiffer au maximum, c'est quand le mec, je sens qu'il est sincère, tu vois. Quand le mec, il raconte la vérité. Après, bien sûr, il faut un peu broder autour, t'es obligé, tu vois. Mais quand il y a, si tu veux, sur un sketch, quand t'as 90% de vrai et 10% de blabla, genre 10% de broderie autour, ça me va. Mais quand c'est 10% de vrai et 90% de broderie, là, ça me dérange. C'est ça, ouais. Moi, je sais pas faire ça, tu vois. Je me suis vite rendu compte que, quand j'ai commencé, qu'il fallait que je raconte des histoires qui m'arrivaient pour pouvoir vraiment les raconter en étant dedans à fond, tu vois, pour vivre le truc. Et d'ailleurs, dans mon deuxième spectacle, c'est parce que comme j'ai rencontré ma femme d'une manière un peu particulière, un peu loufoque, à chaque fois que je racontais ça à des potes, ils me disent mais il faut que tu le fasses sur scène. Et du coup, mon deuxième spectacle, quand j'ai parlé de l'accouchement de ma femme le jour de ce mariage là, je me suis dit mais en fait je vais raconter comment j'ai rencontré ma femme jusqu'à la naissance de ma fille. Et du coup, ce spectacle, il marche de ouf. Donc, je suis super content. Et c'est que du vrai. Je j'exagère à peine, mais à peine. Mais tout ça, est vrai. Ça, voilà. Ben, ça, c'est beau parce que les gens ne vont pas en douter et tout. Tu vois, ils vont pas se dire que tu as inventé ça. Tu racontes ça avec le cœur et on le sent. Tu sais, le public, on a tendance à dire « Ouais, le public, il ne connaît pas, machin. » Non, non, le public, il sent la sincérité. Ah, bien sûr. Là, ben, ça m'étonne pas que ça marche, tu vois. Et puis c'est beau parce que ça te fait finalement un fil conducteur, c'est ta vie, tout simplement. Exactement. Exactement. C'est ce qui me manquait par rapport au premier spectacle. Je raconte, c'était que des vannes, des sketchs. Et là, c'est il dure 1h10, 1h10, 1h15. C'est une histoire, en fait, de comment j'ai rencontré ma. Je parle de ma famille, comment j'ai rencontré ma femme et comment j'ai eu ma fille. Donc, tu vois, c'est une suite logique. Et même pour moi, c'est plus facile de s'en rappeler, du coup, quand je le raconte. Ah, bah oui. Alors, en fait, le mec, c'est pas qu'il pensait que c'était plus efficace, c'était juste un problème de mémoire. La première fois que je l'ai joué, je dis comment je vais faire pour me rappeler et tout. J'ai dit, en vrai, je vais juste raconter ma life. Je connais ma life. Donc, il n'y aura pas de souci, effectivement, tu vois. Après, tu sais comment c'est, il faut couper, il faut enlever les trucs qu'on répète et tout. Mais en vrai, la trame, tu l'as. C'est quand même beau de se dire que si tu avais une meilleure mémoire des textes, on aurait eu un spectacle totalement différent, tu sais. Si j'avais de la mémoire, je voudrais raconter toute autre chose, carrément. Je me demande toujours aujourd'hui. Comment je fais pour retenir mes textes? C'est pas toi, mais c'est le grand mystère. Mais moi, c'est pareil. Là, tout de suite, je te jure, des fois, j'essaye de me répéter des choses et tout. Tu sais, j'essaye de répéter des morceaux parce que là, alors, au moment où on va sortir l'épisode, on sera sur scène, mais au moment où on enregistre, on est encore privé de scène. Il reste encore quelques jours avant de pouvoir reprendre. Exactement. On est au mois de mai, là, voilà. Et franchement, je sais que j'ai peur parce que j'arrive pas à me souvenir de toutes mes vannes, mais je sais qu'une fois que je suis sur scène, c'est l'adrénaline qui fait que tu retrouves tout. Tu vois, c'est trop bizarre ça. C'est ouf, tu vois, c'est exactement la même chose quand je dois répéter. Par exemple, on me dit, Rudy, fais-moi. Quand par exemple, je fais la régie, qu'on me dit de faire un bout de sketch, je suis en mode, je bafouille carrément. Attends, il y a quoi là et tout, qu'est-ce que je dois dire? C'est un truc de fou. Et après, sur scène, il y a tout qui déroule tranquille. C'est incroyable ça, hein, c'est vrai. Mm-hmm. C'est vraiment un truc inexplicable. Eh ben, c'est le pouvoir de la scène, c'est le pouvoir du cerveau, tu vois. Quand tu es en mode survie, en fait, hein, le cerveau passe en mode survie. Et puis après, ben, tu joues devant les gens et puis ils y voient que du feu. Toi, tu es en panique dans ta tête. Toi, tu es en mode « Ah, c'est quoi la prochaine phrase ?» Et les gens, ils sont « Ah ouais, il est trop marrant, lui, tu vois. » Ah ouais, c'est la panique totale. Oh, mon Dieu. Mais ça ne se voit pas et c'est ça qui est beau, tu c'est vois. C'est ça qui est fou, exactement. Les gens, ils ne voient pas 5 minutes avant de rentrer sur scène dans l'état qu'on est. Toi, t'es comment, tiens, 5 minutes avant, comment? Alors moi, en fait, moi, toute la période avant de jouer, je rigole, je parle, j'essaie de parler au maximum avec un maximum de personnes, et à un moment donné, tu es obligé de te retrouver tout seul, vraiment 2 ou 3 minutes avant, parce qu'il y a tout le monde qui est parti de la loge, machin, ils vont te dire, et ce moment-là où je suis tout seul, là, je me dis, mais frère, je vais partir en cavalant, pourquoi je fais ça? Je suis un fou de faire ce genre de métier. Je suis en angoisse totale. Et toute la période d'avant où si je suis avec du monde, je parle, je rigole, j'évacue comme ça mon stress, tu vois. Mais dès que je me retrouve seul, ouais, avant de jouer, vraiment, c'est une vraie peur. C'est la vraie peur. C'est un truc moi, de fou. Je crois que je suis comme toi en fait, tu vois, parce qu'on est, c'est notre côté méditerranéen, machin. C'est ça. On papote, on discute, t'inquiète pas. Parce qu'il y a des humoristes, après je juge pas, hein, chacun appréhende le stress comme il le veut, quoi, comme il le sent. Et je vois des humoristes, tu peux pas leur parler. C'est-à-dire une heure avant, tu vois le mec, tu lui fais ça va, et il fait non, écoute, je suis désolé, je peux pas parler là, je monte. Ouais, je comprends. Hein. Ah, non, comprends ce stress de fou. J'ai un pote avec qui je joue dans le sud, lui, dès que par exemple, quand on est en comedy club, il passe vers la fin, il passe au bout d'une heure, une heure et ben à partir du moment où ça commence, tu peux pas lui parler. Tu vois, il te rembarre pas, mais tu sens qu'il est dans son coin, il répète, il est comme ça. Moi, je peux pas, il faut que j'aille à droite, à gauche. Non, voilà, ah ouais, moi, je suis comme ça. Et je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, c'est genre ouais, 4-5 minutes avant. En gros, quand je sens que c'est bientôt mon tour, tu vois. C'est ça, Quand je vois la personne sur scène, moi, ça me le fait souvent, ça. Tu sais, quand je vois la personne sur scène, qui est surtout le pire, quand mon cœur s'accélère et que je suis en angoisse, comme tu disais tout à l'heure, je rentre en mode angoisse, c'est quand je vois la personne sur scène qui fait « Bon, ben, je vous remercie, vous pouvez me retrouver. » Et là, moi, je suis là « Non, continue, vas-y, c'est ça. Ça dure entre cette période-là où il t'appelle, il y a 10 secondes, c'est les 10 secondes les plus violentes. C'est fou, hein. C'est ça. Et à l'inverse, j'ai des potes, ils vont jouer comme s'ils allaient faire, je sais pas, boire un coup, quoi, tu vois. Ça me fait, ils sont incroyables. Moi, je pense que ça dépend en fait de ce que tu vas jouer. C'est-à-dire, moi, si je joue un passage totalement rodé, bah, tu vois, le coup de la fête foraine, c'est ce que je joue le plus. Si jamais je joue mon sketch de la fête foraine, franchement, j'y vais sans stress. J'ai le mini stress de allez, maintenant, Sofiane, tu vois, c'est juste ça. Mais j'ai pas le stress avant. Par contre, quand c'est un nouveau texte, là, en fait, pendant les 5 minutes avant que je passe, quand celui d'avant moi est sur scène, j'ai qu'une seule peur, c'est qu'il termine son sketch, tu vois. Ouais. Parce qu'après, c'est mon tour. C'est parce que là, voilà, parce que là, je connais pas mon sketch encore. Je le connais pas encore parfaitement, tu vois. Parce que t'as beau l'apprendre par cœur, il y a que quand t'es sur scène que tu l'apprends réellement, tu vois. Exactement. Et c'est là que tu sais si tu le sais ou pas. Mais moi, je sais pas quand ça te le fait, toi. Mais par exemple, quand j'ai des gros rendez-vous, des grosses dates de prévues, ou c'est des moments où je me dis merde, y a du monde dans la salle, qu'il faut pas que je déçoive. Pendant 2 jours avant, je suis malade. Genre malade, une genre de grippe et tout, un truc de fou. Genre je somatise à mort, ouais. Et le jour J, je parle avec tout le monde, je rigole et tout, ça me fait le truc des 5 minutes comme je te dis. Mais par contre, j'angoisse toute la période d'avant. D'accord. Ah ok. Mon corps, il réagit comme ça, genre j'ai une grippe, genre. Non, moi, ça me le fait pas, mais je pense pas que ce soit dû à quelque chose de physique. Je pense que c'est juste parce que j'ai jamais eu de date assez importante pour ça. c'est là où je vois où j'en suis dans ma carrière, tu vois. Moi, ça me l'a fait, par exemple, quand j'ai fait la première de mon deuxième spectacle. Oh, j'étais pas bien. J'étais vraiment pas bien. À l'écrit, il y avait un quart d'heure et il fallait que je fasse 1h10. Mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Ouais, d'accord. Ah, t'es parti avec une mini trame et après t'as enchaîné, quoi. Je fais tout le temps ça. En fait, j'écris pas proprement dit. Je me pose pas et j'écris pas. Moi, je me dis, il faut que je raconte ça. Ça c'est marrant. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, je vais raconter ça, ça et ça. Et ensuite, je monte sur scène et je raconte mes trucs et je m'enregistre à l'audio. Et après, je réécoute. En fait, j'ai même pas besoin de me réécouter. Je sais ce qui est. Enfin, c'est ouf. C'est un caméscope dans la tête. Je sais ce qui a marché, ce qui a pas marché une fois que je sors du scène. Je l'écris tout de suite. Ça, il faut l'enlever, ça, il faut le rajouter. Ça, enfin, je sais que je travaille comme ça. D'accord, d'accord. Mais ça, moi, je n'ai pas encore eu, parce que du coup, pour l'instant, c'est toujours mon premier spectacle, même si, évidemment, ceux qui l'ont vu il y a 5 ans n'ont pas vu la même chose que ce que les gens vont voir aujourd'hui. Exactement, ouais, mais, bien sûr. Mais je sais que le jour, parce que moi, j'ai vraiment envie de continuer mon spectacle, tu vois, genre vraiment bien le tourner encore, parce qu'il est dans sa forme finale maintenant, si tu veux. Il est vraiment, j'estime que maintenant, il est rodé, ça va, quoi. Mais je ne pense pas qu'il va bouger beaucoup maintenant. Voilà, là, il est vraiment, tous les gros changements ont été faits au cours des années, tu vois. Et j'ai envie d'en profiter maintenant qu'il est mûr, tu vois ce que je veux dire. J'ai envie je comprends complètement. Vraiment tourner avec. Et j'ai préparé, bien sûr, mon deuxième spectacle et tout. Et il y a déjà des gens, tu sais, genre, j'ai joué chez eux des fois en septembre. Et ils vont venir m'appeler au mois de décembre ou janvier. Alors, t'as un nouveau spectacle ou pas ? C'est mais ça. Les gars, les gens, ils pensent qu'on écrit un spectacle tous les jours. C'est tellement difficile. Tellement difficile. Bien sûr. Et je leur dis vraiment, ne m'attendez pas avant, franchement, allez, 3-4 ans. Je dis, en plus, là, il y a eu le Covid, c'est encore pire. Je dis, m'attendez pas avant 3-4 ans avec un nouveau. Je dis, voilà. Et en fait, je sais que, si tu veux, j'ai tout préparé, les vannes et tout, pour le nouveau spectacle. Mais le moment où je vais devoir passer à cette fameuse première où tu dis aux gens, voilà, là, je me donne plus le droit de faire la moindre vanne de l'ancien spectacle, alors qu'elles marchent bien maintenant qu'elles sont rodées. Tu vois, quand je repars en mode, tu sais, machette à la main et je taille dans la pampa, tu vois. Là, j'avoue que je pense que ce moment-là, j'aurai certainement cette histoire de gastro et de grippe. Ah, c'est terrible, ça. Ça, c'est terrible. Ah, c'est dur. Hein. C'est un métier de fou. Hein. C'est vraiment un métier de fou. Mais c'est une souffrance. Si tu veux, c'est une souffrance. Mais après, quand tu sors de scène, quand ça se termine, tu vois, tu t'es enregistré, machin, tu rentres à la maison, t'es fier de toi, les gens ont rigolé alors que c'est des blagues que tu faisais pour la première fois. Franchement, il n'y a pas meilleure sensation, tu vois. Il n'y a pas meilleure sensation. En même temps, à partir du moment... où tu es sur scène, tu as les rires, et des fois, si tu en as conscience, parce que des fois, tu as l'impression que ça dure 3 minutes, mais des fois, si tu arrives à prendre conscience sur le moment présent du kiff que c'est, que les gens rient, les machins, il n'y a pas d'autres sensations pareilles. Moi, je n'arrive pas à trouver de comparaison sur ça. C'est ouf. L'ascension, elle est tellement incroyable. Ouais, mais en fait, si tu veux, c'est à double tranchant, parce que en effet, on n'a pas de sensation pareille dans la vie, genre le bonheur, machin. Alors bien sûr, je pense que, par exemple, donner la vie à un enfant, je pense que ça doit être une belle sensation aussi, tu vois. Mais ouais. Je veux dire, je pense qu'en tant qu'humoriste, une des plus belles sensations dans notre vie, alors bien évidemment, si t'es maman et humoriste, c'est même encore mieux, tu vois, parce que t'as vécu les plus belles choses de la vie, mais j'ai l'impression qu'en fait, nous, en tant qu'humoriste, autant les kiffs sur scène, tu trouveras jamais mieux, autant les souffrances, tu trouveras jamais pire, tu vois. Exactement, mais de ouf. Et de ouf, de toute façon, c'est le plus difficile. Je pense que vraiment, faire rire, c'est trop dur, en vrai. C'est trop, trop dur. Trop, trop dur, parce que c'est pas comme un autre... C'est pas comme un autre truc. Par exemple, les chanteurs, ils ont pas. Nous, c'est instantané. Le résultat, il est instantané. En fait, ça marche ou ça marche pas, tu le sais tout de suite. C'est pas à la fin d'une chanson ou à la fin d'un concert si les gens ils l'ont aimé. Nous, c'est tu sors ta vanne, si ça rigole pas, ben tu le sais direct. C'est cruel en vrai, de ouf. Ouais. Bah c'est dur. Hein. Ouais, les gens quand ils écoutent une musique, ils peuvent l'apprécier sans se manifester en fait. Et exactement. Nous, par contre. Voilà, je veux dire, les gens, quand ils rigolent, bah c'est un réflexe, quoi. Donc, si ça rigole, ça rigole. Après, on ne compte pas les publics qui rient intérieurement, mais dans une salle, tu n'en auras pas 100%. Tu en auras peut-être, je sais pas, sur une salle de 100, tu auras peut-être 3 ou 4 personnes qui rient intérieurement. Et même s'ils ont adoré, ils ne sortiront pas le moindre son. Mais par contre, voilà, quand tu entends les rires et tout, c'est comme tu dis, voilà, je veux dire, c'est une sanction immédiate, quoi. Tu balances, ça rit pas. Voilà, alors que le musicien, il peut très bien, il peut même jouer, tu sais quoi, et c'est là la différence. Je pense que le musicien, il peut même jouer pendant que les gens mangent, même jouer pendant que les gens discutent, c'est pire, tu vois, parce que tu peux très bien discuter à qui c'est jamais arrivé ça. Tu sais, genre, tu discutes, et il y a une musique en fond, tu discutes, et après tu dis, attends, 2 secondes, je vais la chasamer celle-là parce qu'elle est pas mal, tu vois, exactement, mais grave. Alors qu'un humoriste, il fait des blagues. Tu éternues pendant qu'il fait sa blague, t'as raté un mot, c'est terminé, tu rigoleras pas. C'est ça qui est incroyable. C'est tellement rythmé, c'est tellement... C'est même nous, hein, on fait une blague qui marche tous les soirs, et un soir, on bafouille sur une syllabe, la vanne, elle va pas marcher. Ça m'a toujours fait halluciner. Et ça m'a toujours fait mal, moi, parce que je sais le potentiel de la blague, et j'ai envie de dire aux gens, s'il vous plaît, je vous jure qu'elle marche d'habitude. Grave. Ouais, grave. Ça, c'est terrible quand ça le fait. Oh, c'est terrible. Ah, mais oui, mais c'est des souffrances, c'est du kiff. Et les deux se valent en fait. Et comme voilà, comme l'a dit Ahmed Sparrow, le plaisir est égal au risque, quoi. Et complètement. C'est ça. Mais c'est ça qui est kiffant. On est un peu des masos, hein. C'est ça qui est kiffant. On aime se faire mal, en vrai. On recherche ce shot d'adrénaline et tout. On recherche ça. On recherche ce kiff qu'on a ressenti sur quelques scènes. Tu vois, et puis on veut le revivre le plus souvent possible. Je sais pas toi combien de fois ça t'est arrivé, mais moi je sais qu'il y a des scènes, on va dire honnêtement, si j'y repense tout de suite comme ça, vraiment de but en blanc, il y a trois scènes qui me reviennent trois fois dans ma vie où j'ai joué et où j'ai pris un plaisir, mais tu sais, c'était au-delà du plaisir classique, parce que jouer c'est toujours kiffant, mais enfin, sauf quand tu bides, hein, mais je veux dire, en règle générale, c'est kiffant. Mais là, ces trois scènes-là, elles pop dans ma tête. Tu vois, quand je repense à mes meilleurs moments sur scène, ces trois scènes-là, elles pop dans ma tête. Et voilà, je ne vais pas les citer pour vexer personne. tu comprends ce que je veux dire ? Mais complètement. Tu peux pas te dire tous les soirs, je vais ressentir ça. C'est des fois où c'était tellement fort. C'est des fois où le public t'a porté. Toi, tu as parlé avec eux. Vous avez partagé un moment. Vous avez vraiment été en communion, tu vois, en cohésion totale pendant tout le spectacle. C'est un moment de partage. Et tu n'as pas envie de partir dans ces moments-là. Tu sais, c'est les moments où tu joues et tu sais qu'il te reste que, allez, 5 minutes et tu es dégoûté. Ouais, c'est ça, c'est ça. Des fois, tu arrives à la fin, tu es dès que ce soit terminé, c'est ouf. Ah oui, c'est ça. Et les gens viennent te voir à la fin, tout ça, tu tapes des photos avec eux, ils sont tout gentils, ils sont adorables. Moi, je leur dis, je vous jure, merci vraiment. Ils me disent, c'était génial, c'était super. Et je dis, non, mais merci à vous. Je dis, c'est vous qui étiez bien, tu vois. Je dis, vous savez, le spectacle, il est ce qu'il est, mais si le public, derrière, il n'est pas réactif, il n'est pas machin, ça ne prendra pas. Je dis donc, c'est un travail d'équipe. Je dis, le spectacle vous a plu, j'en suis heureux, mais vous m'avez fait kiffer. Le public ne s'en rend pas compte, mais surtout dans le stand-up, il fait partie intégrante du spectacle. Complètement. C'est des fois, c'est même le public qui fait les vannes, des fois, carrément, qui crée les vannes, ils ne se rendent pas compte. Ouais, ah, ça, moi, je kiffe. Tu vois, moi, j'ai une vanne, par exemple. Je parle des gens qui puent dans les transports, tu vois, parce que moi je suis chauffeur de bus. Je suis chauffeur de bus, donc dans l'équivalent de la, c'est quoi, c'est la RTM chez vous ? C'est la RTM, ouais, exactement. Voilà. Donc moi je suis dans l'équivalent à Bordeaux, et donc j'ai une blague où je dis, il y a trois règles essentielles dans le bus. Il est interdit de manger, il est interdit de fumer, et il est interdit de puer. et donc je dis ça, et je dis on a beaucoup de problèmes avec la dernière règle. Et je dis, justement, j'aimerais poser deux questions aux gens qui puent. Est-ce qu'il y en a ce soir ? Levez la main, s'il vous plaît. Des fois, j'ai des gens qui lèvent la main pour déconner, tu vois. Ouais. Moi, ça me fait rire déjà. Et je leur rajoute quelque chose qui m'est arrivé réellement, et ça, je kiffe, c'est quand j'ai joué à Guingamp, et c'est la vérité, je le dis aux gens, hein. Je dis, j'ai joué à Guingamp, et il s'est passé ça. Donc, je leur dis, en fait, que j'ai posé la question, est-ce qu'il y a des gens qui puent ? Levez la main. Et il y a un mec qui a levé la main de sa femme. Oh, c'est affreux. Et je te jure que je n'invente pas, hein. Et je leur dis, ce mec-là, c'est mon champion à vie. Ah, mais ouais, mais grave. C'est un truc de fou. Mais après, ouais, la femme, elle avait beaucoup d'humour. Hein. Tu sais, c'était un couple, en fait. Moi, je les ai vraiment beaucoup appréciés. J'en profite pour les saluer s'ils nous écoutent. Et vraiment, j'ai beaucoup apprécié parce que, tu sais, c'est un vieux couple. Tu sais, genre, ça doit faire 50 ans qu'ils sont mariés et tout. Et ils délirent toujours autant, ça se vanne et tout. Tu vois ce que je veux dire ? C'est génial. Ça, c'est tellement génial. L'humour, j'ai l'impression que l'humour, c'est le ciment du couple, tu vois. Ah mais à mort, c'est clair. Moi, moi je vois mes parents, tu vois, ils sont mariés depuis 40 ans, ils se tapent des barres tout le temps encore. Genre ils sont en train de vanner, ils se foutent de notre gueule. C'est ça trop marrant. Ça c'est trop beau à voir et l'humour ça fait tout en vrai. Bah, bien sûr l'humour. Bah tu sais l'humour c'est, tu sais on dit l'humour est une arme, mais c'est totalement ça. C'est une arme, déjà, c'est une arme pour faire passer des messages, parce que quand tu vas faire tes sketchs et tout, il y a certainement des messages, même s'ils ne sont pas apparents, ils sont en filigrane, tu vois, même involontairement, même si toi, tu n'es pas au courant. Tu peux faire passer des messages de tolérance, des messages d'espoir, de trucs comme ça, tu vois. Déjà, il y a ça dans ton texte, et c'est une arme aussi de désamorçage. Tu vois, c'est-à-dire que n'importe quel conflit dans la vie, après je dis pas tous les conflits, mais la plupart, je vais plutôt dire ça, la plupart des conflits dans la vie, tu peux les régler avec un peu d'humour, tu vois, tu peux désamorcer. Voilà. Complètement. Et voilà, bon, après je dis pas le mec l'armoire à glace qui fait 2m10 et 130 kilos, tu vois, qui vient de voir plein de muscles et qui veut t'embrouiller, je suis pas sûr qu'une blague de Toto ça le déride un peu, tu vois, je suis pas. Ouais, là, il va falloir trouver autre chose. je te cache pas, là, la meilleure arme, c'est la fuite. Tu vois, ouais. C'est tout. Il n'y a que ça. Mais l'humour, on va dire, dans 80% des conflits ou 90% des conflits, l'humour, ça peut être quelque chose de bien, tu vois. J'en parlais avec Sophia Sico, qui est une humoriste belge, qui était flic avant, tu vois, elle était flic. Et elle m'expliquait qu'avec l'humour, elle réussissait à désamorcer des conflits, genre des conflits entre voisins et tout. Elle partait, elle étudiait la situation, elle voyait que les mecs, ils se prenaient la tête pour une histoire de poubelle ou j'en sais rien. Elle faisait un peu des vannes, tu vois, elle essayait de les dérider. Et après, au final, ça partait en fou rire, tu vois. Bah ouais, c'est super important. C'est et oui, super bah, important. L'humour, c'est bon, l'humour nous fait du bien et on a hâte, bah là du coup, au moment où on enregistre, on a hâte d'y retourner et au moment où l'épisode sera diffusé, on a hâte de vous revoir dans nos salles. Exactement, exactement. Et on espère que, à ce moment, quand l'épisode va être diffusé, que tout sera normal, qu'on sera plus confiné, qu'on pourra jouer quand on veut, quand on peut. Et fait, ça sera. On a hâte de remonter sur ça. Ah, on a hâte de ressortir boire un café normal. On a hâte de revivre. Voilà, t'as dit la phrase. On a hâte de revivre, tout simplement. Ouais, voilà, parce que là, t'imagines, on a des vies de dictateurs là. On va travailler, on rentre à la maison. C'est ça. Des petits robots obéissants, tu vois. C'est ça, c'est des épisodes de... Je te jure, c'est des épisodes de Black Mirror. Pour moi, on est dans un épisode de Black Mirror. Je sais pas si tu connais cette série, mais c'est complètement ça. Mais ça fait plusieurs années qu'on est dans Black Mirror, moi j'ai l'impression. Regarde, il y a un épisode, si tu te souviens, il y a une actrice qui s'appelle Bryce Dallas Howard, qui, genre, elle vivait dans un monde, en fait, où tout était basé sur les notes que tu avais, tu vois. Oui, il est dingue. Mais tu sais que The Circle, c'est basé de cet épisode de Black Mirror. Ah ouais, d'accord, ok. Pour faire cette série. Faudra que j'aille y jeter un œil du coup. Mais franchement, cet épisode-là, moi, il m'a marqué. Et surtout, ce qui m'a fait flipper, parce que je me suis dit, ce serait clairement possible, vu qu'on peut mettre des notes à tout maintenant. Mais bien sûr. Tu vois, tu prends un Uber, tu peux mettre une note au chauffeur. Le chauffeur peut te mettre une note en tant que client. On se note tous, tu vois. Et j'ai l'impression qu'on est en train de plus en plus de basculer vers ça. Et ça fait peur, parce que tu regardes là en Chine en ce moment, c'est même pas qu'on est en train d'y basculer, c'est que c'est en train de se passer. Exactement. Ils ont des notes sociales. Voilà, exactement. Et si tu n'atteins pas une certaine note, tu ne peux pas louer un appart, tu ne peux pas aller dans certains coins. Ils balancent ta photo sur les centres commerciaux si tu as été pris en train de voler ou je ne sais pas. Bah, encore, ça, c'est autre chose. Mais on va dire, si tu as une vraiment trop mauvaise note, il y a des endroits où tu ne pourras pas accéder et on balancera ta photo pour pas que les gens te laissent entrer. T'imagines le truc? C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ah ouais, c'est grave flippant. Mais c'est juste, c'est The Circle, je me suis intéressé au truc, quand on m'a contacté pour faire ça. On m'a dit c'est une nouvelle télé-réalité à la Black Mirror. Et comme je suis absolument fan de Black Mirror, je me suis intéressé au truc. Et c'est ça, en fait, on se donne des notes. On se donne des notes et on vit dans le jeu que par les notes. C'est ouf. C'est une étape de plus. Tu vois, c'est comme à l'époque quand il y avait le Loft et tout. C'est genre, il y a deux personnes qui sont nominées. Allez-y, votez. Et c'est celui aura le plus de votes qui sera sauvé, quoi. C'est ça. Bientôt, il y aura les présidentielles comme ça. Dis-moi juste, c'est à quel numéro qu'il faut envoyer un SMS pour virer Macron? C'est ça, je sais pas encore, mais dès qu'on a le numéro, on vous le transfère. Après, ça dépend. Si c'est virer Macron pour se taper l'autre, son ancien adversaire, non merci. J'ai peur de. Il a fait peur encore cette année-là. On verra bien ce que ça donne. On espère que la haine ne passera pas. Exactement. Donc, mesdames et messieurs, voilà, s'il faut retenir quelque chose de cet épisode, c'est ne jouez pas dans les églises. Si jamais il y a une maman de 6 enfants qui vous regarde bizarrement quand vous sortez un gros mot, ne jouez pas dans les mariages, sauf si vous avez un accouchement juste avant. Voilà. Et surtout, venez nous voir en spectacle, sinon on vous mettra des mauvaises notes et vous ne pourrez plus louer d'appart. Exactement. On arrive à ce futur-là, les gars. On va tous avoir une note. Si vous voulez avoir des bonnes notes, venez nous voir. Exactement, voilà. Vous vous adressez à Rudy ou à moi et on gère le dos, il n'y a pas de souci. Bon. Exactement. Merci beaucoup, Rudy. C'était un plaisir de t'avoir dans le podcast. Vraiment, j'ai kiffé cette conversation. Merci à toi. C'était un kiff aussi. Nickel. Le plaisir était partagé. Et où est-ce qu'on peut te retrouver, du coup, sur les réseaux sociaux? Alors, sur les réseaux sociaux, Rudy Doucan sur Instagram. Je suis beaucoup sur Instagram et TikTok. Sur Facebook, c'est un peu plus privé, mais j'ai quand même une page. Donc, Rudy Doucan, voilà. Il n'y a pas de piège. Juste Rudy Doucan, vous me trouvez.